Il y a du danger dans l'amour fou. Tu peux devenir fou aimer quelqu'un. Je pense. Un vertige très, très grand. T'es possédé, tu penses plus à rien d'autre. C'est obsédant, c'est fou. C'est bon, c'est dangereux. Ça peut rendre fou l'amour. Bonjour, c'est Carole Laure. Je suis avec vous à CKRL 89,1. Dans la nuit, je tente une dernière chance. C'est une immense la chute vers l'infini. À la pêche aux résonances de passé, cassé mon sens. Si j'ai envie de dire le mot que dans une chanson, je dis le mot que. C'est tout. Différence. Eh bien oui, c'est la fin de l'errance grenadienne dans quelques secondes. Alors nous avons entendu bien sûr Raoul de Blablabla avec les corps célestes, Bébé Brune et Caillouche. Et je me rends compte que mon CD ne fonctionne pas. Donc on n'entendra pas la fin que j'ai voulu vous préparer, mais autre chose que j'improviserai, comme nous sommes des grands improvisateurs de ce monde, nous allons pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant immédiatement, et puis c'est laquelle? C'est Showman Show, et merci à Robert Charlebois d'avoir sauvé la vie. Sans le savoir, là, ça a été grâce à cet individu. Un coup de pied dans l'espérance, dans la croyance surévaluée, un coup d'œil sur les idées reçues, les vautours, les assassins médiatisés, un coup, juste un coup, pour offrir sous la couverture de la vie une lumière limpide, nouvelle, vierge. On va pouvoir quand même improviser quelques secondes avant de nous quitter, parce que je vous le dis, ça va vous arriver à vous aussi de devoir céder votre place. Car il en a d'autres, il en est d'autres plus jeunes, plus fous, qui feront tourner les beaux galops. Eh, monsieur, cette semaine, on n'a pas le temps d'improviser sur le mot naturel. Alors, c'est naturellement... pas très naturel, mais c'est... Oh, 48, 50... Oh, oui. Cette semaine, et ça, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe naturel. Naturel. Est-ce que c'est naturel? La vie, est-ce naturelle? Ben oui, c'est naturel, bon Jean-Marc, voyons donc. J'ai jamais vu une vie surnaturelle. Ça dépend. ça dépend pour qui? Pour certains, là, tout est surnaturel. Hey, ils se réveillent le matin. Oh! Voyons donc! Je suis encore en vie, c'est pas naturel! Ben voyons! Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, j'ai mon gnac. Oh, mais gnac, gnac, gnac, gnac. Mais c'est tout à fait normative, la vie, selon moi. Mais la nature ne favorise pas toujours les gens de la même façon. Pardon? La vie n'autorise pas la vie de la même façon aux individus, aux citoyens. Ça, c'est vrai. Que tu sois né à Tombouctou, au Népal, à Montréal ou à Québec, tu n'auras pas la même façon de t'entourer, de vivre et de errer dans ta ville. Oui, ça c'est vrai. En Haïti? Oui. Crois-tu qu'en Haïti, ils ont une vision aussi extraordinaire que toi? Ben, ils ont la joie de vivre, oui. Ils ont un sens de se reprendre en main. Il faudrait voir, nous, en tant que peuple, est-ce qu'on est capable, rapidement, de se relever? Ouais. Ouais, je sais pas, là, ouais, tu me demandes des questions. Oui, je te la demande à toi, la question. Est-ce que tu... Ouais, t'es-tu conscient? Pardon? Oui, ben, je suis conscient. Ouais, t'es-tu conscient? Ah, je suis très conscient que on pourrait y arriver. Mais c'est comme la phrase, l'union fait la force. Pas d'union, pas de force. Pas de force, pas de vision. Vision? Ben, la vision de la vie, c'est quoi? La vision de la vie, moi, c'est, comme je te disais, la petite lunette. Pas de lunettes, ben, de la déformation de la réalité. C'est peut-être mieux pas de lunettes, mon Jean-Marc. Mais oui, c'est ça, t'as entièrement raison, là. Mais moi, Rénal, oui. Toi, Rénal, oui. Ben, comme vous, vous avez raison. Adjugez, on vous donne deux morceaux de robots. Ah, c'est... Ben, ouais. On n'a plus les robots qu'on avait, hein. Même l'être humain est robotisé. Ah, ça, là, la robotisation de l'être est une question fondamentale de la vie. Être robot ou ne pas être robot, là est la question. Hein? Être gouverné, téléguidé par le gouvernement. Ah, ça, on en connaît des êtres qui sont comme ça, des moteurs de recherche et qui cherchent la pièce. Ah, la pièce mène la vie est dans la pièce est dans l'humour, l'humour est dans... Non, l'humour est pas dans la pièce, sauf qu'il y a beaucoup trop d'humoristes qui misent là-dessus. Beaucoup d'humoristes, très peu d'humour. Oh. Là-dessus, là, t'as tout à fait... T'as une satanique bonne réponse. Ouais, mais moi, le côté satanique, comme le disait le chaman. Le chaman, ça, c'est l'esprit. L'esprit chamanique. Oui. Ben, cette vision-là de l'au-delà et des gens qui ne sont pas visibles. Parles-tu des fantômes, toi? Je parle des poltergeist. Oui, ça, c'est pas la même chose. Non, parce que moi, j'ai vu un film porno avec des fantômes, là. Oh, shit, là. C'était dans le hardcore. Plus, oh oui, très... Très, très hardcore. C'était tellement hardcore que c'était pas un DVD, là. C'était quoi? C'était du direct. Pas des fantômes en direct qui faisaient ça. Ils faisaient ça en direct. Hey, ça donne peur, ça fait peur, hein? Moi, là, j'ai comme les selles qui tranquillement est surnaturel. Le côté, c'est-tu payant, le surnaturel? C'est très payant. Quand on n'a rien, quand on base ça sur rien, les gens sont avides de ce rien-là. Ils veulent croire à tout prix, à n'importe quoi, dont à ces fantômes, à ces auras. Moi, à part le Zora Secor, là, les bons chocolats Zora Secor. Ah, oh, c'est bon pour pour l'appétit. L'appétit vient en mangeant et l'eurosecor vient en se dégustant. Ah, ça c'est vrai. Quand tu ouvres ta boîte, hein? Ah! Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Un petit mou, un petit dur, un petit crémeux, un petit cassé sous la dent. Et puis quand tu casses trop sur la dent, qu'est-ce que ça te coûte? Un dentiste. Un dentiste et un? Un dentier. Un dentier. T'es dans le dentier tout depuis 1h30? Ah, moi, je suis tout le temps dans le dentier. Fait que c'est comme la vie, comme disait Forrest Baum, c'est comme une petite boîte de l'eurosecor, hein? Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, mais tu veux que ce soit moelleux, délicieux, sucré. Mais pas trop sucré, moi, ça me donne des chaleurs. Ça, c'est pas le chocolat qui te donne ça, toi, là. C'est ton andropause. Ben là, andropausé à 33 ans. Ah, oh, l'androposation a pas d'âge, hein. Ah. Parle pour toi. Moi, là je pense que ça fait depuis 20 ans que je suis dans l'andropause. Non! Va te dire la vérité avant la fin de l'émission, toi, là. Dis-moi ça, la vérité avant la fin de l'émission. C'est que... Là, t'es-tu assis? Ah, je suis assis sur un baril de poudre. Ah, je vois ça, tu vas exploser tellement, parce que t'as tellement raison. C'est qu'est-ce que je voulais te dire? Ben, dis-moi-le. Je voudrais bien te le dire, mais on n'a plus le temps. Ah, bon, c'est pas vrai, tu vas nous laisser sur 3 points de suspension. Suspensionne-moi ça, mon beau Dona. On va te suspensionner ça, mon Riri, désenchanté. Alors, c'était l'errance rénaldienne de ce samedi 5 juin 2010, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve sur Internet, c'est vrai, il faudrait que je mentionne aux gens là, que l'errance rénaldienne demeure une émission atypique qui se distingue. Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu provenant de votre animateur préféré. Vous pouvez devenir membre de cette transmission auditive grâce à Facebook. Il vous suffit d'entrer errance rénaldienne sur le moteur de recherche de ce réseau social et vous serez ainsi instantanément membre et adhérent de la grande aventure qui arrive chaque semaine à vos oreilles. D'un même élan, écrivez-moi à Rénal de Québec, RAYNALDQUEBEC à commercial@mail.com. Et nous avons aussi un espace Internet. Vous rentrez sur Gargle, Errance, espace Rénaldienne, RAYNALDIENNE. Et le premier Errance, c'est moi. Allez voir les vidéos. L'enregistrement de cette émission sera disponible à partir de demain. J'espère que vous avez apprécié ce retour à CKRL. C'était... C'était pour la fête de grand-mère. Hier, c'était beau dans la ville, si beau que j'en perdis la raison. On fêtait la sainte Cécile, et tout le monde portait ce nom. Oh, carrête-moi ça! Il fait bosser l'été. On va en profiter, depuis qu'on attendait les vacances. On a tout emballé, le bateau, les bouées, depuis qu'on en rêvait les vacances. Tout est prêt dans l'auto, les tartines, le gigot, On a mis la radio des vacances. C'est parti, mon kiki, les vacances finales. On est tous d'accord pour ça. C'est parti, mon kiki, les vacances finales. On est tous d'accord pour ça. Il fait beau, c'est l'été. Nous voici arrivés. Depuis qu'on attendait les vacances, on est émerveillés de voir la mer danser. Depuis qu'on en rêvait les vacances, sur la plage en maillot, on se prend en photo, on joue les matelots en vacances. C'est parti, mon kiki, les vacances sur Pélala, on est tous d'accord pour ça. C'est parti, mon kiki, les vacances sur Pélala, on est tous d'accord pour ça. Le soir quand les gosses sont couchés, on sort et nous allons danser. On va s'embrasser sous les pins, mais quand le soleil revient, c'est parti, mon kiki, les vacances au Pélala, on est tous d'accord pour ça. C'est parti, mon kiki, les vacances au Pélala, on est tous d'accord pour ça. La la la la la la, la la la la la la. Depuis qu'on attendait les vacances, la la la la la la, la la la la la la. Depuis qu'on en rêvait des vacances, l'été quand il fait beau, comme on est bien dans l'eau, on n'en a jamais trop de vacances. C'est parti, mon kiki, les vacances au Pélala, on est tous d'accord pour ça. C'est parti, mon les vacances au Pélala, on est tous d'accord pour ça. Les vacances au Pélala, on est tous d'accord pour ça. Les vacances au Pélala, on est tous d'accord pour ça. Kate, viens ici, Kate. Viens ici. Viens, je vais te montrer ça. Toi, t'as la chambre numéro 3 à toi toute seule, à cause de ta religion. Tiens. Tu peux disposer. Oh, mesdames, mesdemoiselles, j'ai une invitation pour vous autres ce soir. Les petits gars du collège jouent une soirée de théâtre « Souliers de satin » de Paul Claudel. Oh, c'est intéressant, ça. Oh, puis après, il y a une représentation ici même à l'hôtel, « La maîtresse qui chante ». Une maîtresse d'école, bien entendu. Hein. Un instant! Vous avez tort de ne pas vous intéresser au théâtre. Vous pourriez apprendre beaucoup sans faire d'efforts. Nous y allons, Desmond. Oh. Qu'est-ce que je vous ai dit? Katie, Brigitte. Mêlez-vous à la population, apprenez à vivre avec elle. Helen, on n'est pas à Montréal ici, on est dans un pays de mine, on ne travaille pas de la même façon. N'oubliez pas, grand jour, c'est jour de l'an. Je me demande même pourquoi c'est si tard. J'essaie de l'arranger un peu, de rendre passant pour ce soir. On va là-bas. Desmond? Qu'est-ce que c'est fait? Train d'abonder de monde. Je l'ai mordu. Quoi? Il a voulu m'embrasser, je l'ai mordu. Ah? En 1978, Dans le train. Sur l'oreille. Tu l'as mordu? Elle a mordu Desmond. Dans le train. Sur l'oreille. Si tu me promets de pas t'enfuir, je te laisse sortir de la chambre. Tu me le promets? Non. Bon, m'enlève ton manteau, dépose ta valise, assieds-toi dans le coin, s'il te plaît. Non. Écoute, Rosemary, si... Rose. Mon nom, c'est Rose. À partir d'aujourd'hui, Rose, tu t'appelles Rosemary. Non. Non. Non. Non. Non, jamais. Non, jamais. Non, jamais, non, jamais, non, jamais. C'est tout ce que tu as dit. Écoute, t'es plus au courant que les bonnes sœurs, hein? Arrête de bouder, assis-toi là, cher! Nous apprenons que tous les juifs sont chassés des universités allemandes. Dorénavant, l'enseignement allemand de tout ordre les exclut. Berlin estime les dommages matériels causés par les troubles de la semaine dernière à 200 millions de dollars. Pourquoi vous êtes intéressé? Moi, je m'appelle Sweetie. Avant, je m'appelais Georgina. Oh, c'est anglaise? Oh non, c'est un nom de théâtre. Vous êtes une actrice. Oh, plus maintenant, mon doux. Oh non. Les voyages, les tournées. Matin à Chicago, le soir à New York, à Philadelphie, à Boston, les bagages. Ah, mais tiens, ça y est. Elle lui fait le coup du théâtre, puis du public. Le public tous les soirs. C'est pas une vie, hein. Tes parents, chers, ça te fait encore de la peine. Crois-moi, t'es bien mieux avec nous qu'à l'orphelinat. L'orphelinat, c'est triste. Oh. Pauvres enfants. Je sais pas quoi t'y penser. Ici à Sfax, ici à Sfax. Yassus, Yassus. Demain Paris, demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. À nous des lignes, à nous des lignes. Yassus, Yassus. Aucun amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. À nous New York. Yassus, Yassus. Demain Paris, demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. À l'intérieur, à l'intérieur. Coule la Garonne, coule la Garonne. Pas un amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. À New Delhi. Yassus, Yassus. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.